Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite la carte menu de cette édition. Le parti Alliance Nationale pour la Démocratie AND Inadohoka demande à la Commission électorale nationale indépendante de prioriser l'inventaire de tous les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement des élections. Entre-temps, le parti UPD Digamibanga appelle cette commission à organiser plus de rencontres avec les politiques. Sur la carte menu également, dans les nouvelles de province, on se rendra à Kayanza où certains travailleurs du secteur privé s'indignent que leurs employeurs n'assurent pas leur protection sociale. On ira également à Bouloudi, où aucun sac de chaux agricole n'y est encore arrivé, alors que les travaux champêtres pour la saison culturelle B sont déjà en cours. Les agriculteurs craignent d'être en retard dans le semis. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Albert Douaï. À la présentation d'Auré Bingabili, bienvenue à l'écoute de cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le parti Alliance Nationale pour la Démocratie, AND, Inadohoka, demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de prioriser l'inventaire de tous les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement des élections en attendant les instruments juridiques. Gaspard Kobako, président de ce parti, demande au gouvernement burundais de tout faire pour rendre disponible le code électoral et la loi communale pour mettre à la CENI, pour permettre pardon, à la CENI de se préparer en conséquence. Suivez-le, il est au micro de Placide Niomongele. Nous pensons que les premières priorités pour l'équipe de la CENI, récemment mise en place, serait de préparer les autres instruments en dehors des deux instruments principaux, à savoir la loi communale, qui a fait créer une nouvelle réorganisation administrative. Et ce serait de préparer les cartes de vote, les bureaux de vote, voir comment améliorer les isoloirs, en tenant compte de l'existence que la précédente n'a pas pu réaliser. On a vu une CENI précédente qui hésitait même dans la publication des résultats, ce qui a suscité beaucoup de suspicions. Je pense que pour plus de crédibilité, la nouvelle équipe de la CENI devait prendre les choses très au sérieux, prendre les choses entre les deux mains et travailler en confiance pour que justement cette confiance soit méritée par les compétiteurs, les électeurs et même la communauté internationale. En cela, je voudrais que la CENI puisse impliquer tous les acteurs qui ont une part à donner pour que les élections se déroulent convenablement. En l'occurrence, les partis politiques et même toutes les personnes de nature à apporter la pierre à l'édifice. Voilà les priorités en attendant qu'il y ait mise sur pied de la loi portant code électoral et de la loi communale, qui elle aussi devrait être mise en place assez rapidement parce que le temps qui reste, c'est un temps extrêmement limité. Gaspard Kobako était au micro de Placide Niyomwongeli. Le parti UPD Zigamibanga appelle la Commission électorale nationale indépendante à organiser plus de rencontres avec les politiques afin de préparer de bonnes élections. Abdoul Kassim, président de ce parti, dit regretter ce que les partis politiques se sont convenus avec le ministère de l'Intérieur au mois d'octobre l'année passée, mais qui n'ont pas été tenus compte en Conseil des ministres lors de l'étude du projet de loi portant code électoral. Ce parti voudrait également que les documents exigés lors des élections soient revus à la baisse. Suivez-le. Ils n'ont pas les outils de travail et ces outils qui sont le code électoral et la loi communale. Toutefois, je crois au mois d'octobre, le ministre de l'Intérieur avait réuni les responsables des partis politiques. On avait discuté sur ces projets de loi et avant qu'ils soient discutés au niveau du Conseil des ministres. Et il y avait eu des consensus qui avaient été dégagés. Malheureusement, lorsqu'on a appris sur la voie des ondes que ces projets avaient été étudiés au niveau du Conseil des ministres, nous avons été surpris de constater que rien de ce qu'on s'était convenu n'avait été pris en considération, mais c'était plutôt des projets de loi qui étaient vraiment exclusifs et qui ne permettaient pas un épanouissement des partis politiques dans le processus électoral. Et cela étant, nous en appelons au Parlement du Burundi d'user de sagesse et de consulter le ministre de l'Intérieur et de prendre en considération les propositions qui avaient été émises par les responsables des partis politiques. Qu'est-ce que le parti UPD suggérerait à la nouvelle CENI par rapport à ce que la CENI sortante a fait pour qu'il y ait de ces élections libres et transparentes? Je dois dire que les membres de la CENI sortant parole n'ont pas été tendres avec les partis politiques. Pour le moment, les nouveaux membres de la CENI vont se distancer de cette attitude, ce comportement. Et surtout que nous connaissons l'actuel président de la CENI. C'est quelqu'un qui connaît déjà, qui est habitué à ce processus. Nous pensons que dans les rencontres qu'il fera avec les responsables des partis politiques, il sera vraiment usé d'une bonne communication et surtout d'accepter les propositions qui seront émises par les responsables des partis politiques pour effectivement asseoir la démocratie, pour que effectivement le processus électoral soit un processus qui soit bien réellement apaisé, réellement transparent et un processus qui inspire tous les partenaires électoraux. Page justice à présent, les services judiciaires devraient faire tout leur possible pour que les prisonniers soient relâchés tout en se conformant à la mesure de la grâce présidentielle. Propos tenus par Jean-Pierre Ninelete, président de la AVDP, une association œuvrant pour la défense des prisonniers. C'est après que le numéro 1 burundais a indiqué dans son discours à la Nation du 1er janvier 2024 qu'une mesure pour désengorger les prisons allait être prise. Jean-Pierre Ninelete trouve que lorsque la justice traîne les pieds pour la mettre en application, il y a des prisonniers qui sont oubliés. Suivez-le. Il avait prévu que 5000 détenus devaient être libérés, mais curieusement nous avons vu qu'au nombre de 2700 ont été libérés. Alors, cela est dû à plusieurs motifs. Ou bien, il y a manque de suivi régulier des dossiers des détenus. Il n'y a pas une planification pour voir l'état du dossier de chaque prisonnier. Les différentes sections juridiques qui sont dans les différentes prisons ne font pas le travail qui lui est assigné. Parce que normalement, il devait identifier tous les prisonniers, tous les détenus qui ont purgé les peines, qui ont déjà fait un quart de la peine et, ou bien qui ont eu la liberté provisoire. Et c'est ce que la commission mise en place devait suivre pour la mise en application de cette grâce présidentielle. Mais cela n'a pas été fait. Une autre chose, c'est que les détenus qui sont dans les différentes prisons sont oubliés. La plupart sont oubliés. Prenons par exemple ceux qui viennent de Kirundo, qui sont ici dans la prison de Mimba. On l'oublie parce qu'il n'y a pas celui qui suit son dossier, il est là. Une autre chose, c'est que dans les différentes maisons de détention, il y a manque du personnel qui suit régulièrement les dossiers dans les différents parquets. Nous avons vu qu'il y a une commission de procureurs et d'autres agents de la justice qui étaient en train d'identifier les différents dossiers déjà qui devaient être libérés. Je pense qu'ils ont déjà donné le rapport. Nous attendons ce qui va suivre si les prisonniers vont être libérés. Après une courte pause, on entame maintenant les nouvelles de province. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganilo. En ligne, c'est sur www.isanganilo.org. Je vous rappelle que vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganilo RTI et sur X, c'est RT Isanganilo. Dans la suite de cette édition, certains travailleurs du secteur privé en province Kayanza s'indignent que leurs employeurs n'assurent pas leur protection sociale. L'exemple est celui d'un pharmacien qui dit avoir travaillé dans une pharmacie privée pendant 10 ans et que son employeur n'a jamais assuré ses cotisations à l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Le responsable provincial du secrétariat permanent de la Commission nationale de la protection sociale déplore que de tels employeurs ne font qu'exploiter leurs employés et leur appelle à se ressaisir. Patrick Nsengiyumba. Certains de ces travailleurs à Kayanza qui travaillent dans le secteur privé dont la sécurité sociale n'est pas assurée sont principalement les travailleurs dans des pharmacies et aussi les enseignants qui prestent dans des établissements scolaires privés. Ils font savoir que souvent ils travaillent sans qu'ils aient même des contrats de travail. Consécutivement à cette situation, regrettent-ils, ils disent que dans l'avenir, ils ne seront pas capables d'assurer convenablement la survie de leur famille. L'enseignant dans une école privée dont la protection sociale n'est pas assurée contacté dit que lui et ses collègues, non seulement la protection sociale n'est pas assurée, mais aussi ils sont virés du travail sans motif valable. Les travailleurs à Kayanza dans le secteur privé appellent le gouvernement burundais à s'impliquer davantage pour que leur sécurité sociale soit assurée. Rosine Doussabe, responsable provinciale du secrétariat permanent de la Commission nationale de la protection sociale, fait savoir qu'elle a déjà saisi l'administration provinciale à Kayanza pour que des sensibilisations auprès des employeurs qui n'assuraient pas la sécurité sociale de leurs employés soient menées, faute de quoi, ajoute-t-elle. Les écarts citras se verront infliger des sanctions qui s'imposent. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Et aucun sac de chaux agricole n'est encore arrivé dans la province de Bouloudi, alors que les travaux champêtres pour la saison culturelle B sont déjà en cours, ce qui a déjà provoqué des grognes chez les agriculteurs dont les terres arables sont acides. Ils craignent d'être en retard dans le semis, surtout que l'autorisation de paiement du solde pour les fertilisants commandés n'est pas encore sortie. Glorieuse Niyubawe, directrice du bureau provincial chargé de l'agriculture à Bouloudi, fait savoir que 36% des fertilisants de type Imbula commandés sont déjà disponibles. Elle espère cependant que la chaux agricole arrivera aussi prochainement. Le fournisseur est déjà averti de nos Nzambiman. Même si les travaux champêtres pour la saison culturelle B ont déjà débuté dans la province de Bouloudi, des grognes chez les agriculteurs qui n'ont pas encore reçu la dolomie commandée pour cette saison culturelle se font entendre parce que cet échaud agricole doit être normalement appliqué un mois avant le semis qui commence d'habitude le 15 février selon ces agriculteurs. C'est au moment où une grande partie des terres arables de la province de Bouloudi est acide, selon les techniciens agronomes à Bouloudi, raison pour laquelle les pendanges de la chaux agricole avant le semis est conseillé afin de réduire cette acidité du sol. Ces agriculteurs grognent également qu'ils risquent d'être en retard dans le semis pour cette saison culturelle B, surtout que même l'autorisation du paiement des soldes pour les fertilisants commandés n'est pas encore sortie. Glorieuse Niyubawe, directrice du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bouloudi, indique que certains de ces fertilisants sont déjà disponibles à Bouloudi, car sur 1383,85 tonnes de fertilisants appelés Imbula commandés par la population, 36% ont été déjà livrés. Sur 216,375 tonnes de fertilisants appelés Totaza, 73% sont déjà disponibles à Bouloudi. Sur 96,25 tonnes de fertilisants appelés Bagara, seuls 27 sont déjà disponibles à Bouloudi. Toutefois, Glorieuse Niyubawe déplore qu'aucun kilogramme de dolomie n'est pas encore disponible à Bouloudi sur 1607,15 tonnes commandées par la population. Mais cette autorité tranquillise les agriculteurs que cet échaud agricole sera aussi prochainement disponible car les fournisseurs sont déjà avertis qu'ils sont déjà en retard. Depuis Bouloudi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno Nzambimana. Et en bref, un stock de boissons contenu dans des bouteilles en plastique d'un degré d'alcool dépassant 16% a été saisi ce lundi au marché dénommé Guagula Supermarket, situé au quartier Kanyengoko de la ville d'Ulumongi. C'est en province d'Ulumongi. Des témoins sur place indiquent que la commune d'Ulumongi a décidé de fermer ce stock avec un cadenas. L'administration communale dit l'avoir décidé ainsi faute de place au commissariat pour un autre stock. Stockage en attendant autre décision. Au niveau du commissariat communal de Lumongue, qui dit avoir été sollicité par l'administration communale, l'on affirme cette saisie de stock de boissons dont la commercialisation dans des contenants en plastique a été interdite sur le sol burundi. Interrogé sur la suite réservée à ce stock saisi, le conseiller de l'administrateur communal de Lumongue, chargé des affaires politiques, administratives, judiciaires et sociales, qui était sur les lieux, dira ne pas avoir droit de s'exprimer sur la voix des ondes. Nous devons cette information à notre correspondant à Lumongue, Jean-Pierre Misago. Parlons commerce pour boucler cette édition. Le commerce ambulant se pratique dans différents endroits de la ville de Bujumbura. Ce commerce est exercé généralement par les femmes qui sillonnent les rues avec des marchandises sur la tête et sur les épaules, entre autres les produits alimentaires, ainsi que les produits de beauté. De nos jours, certaines femmes préfèrent exercer ce commerce pendant la nuit dans les endroits où se rencontrent beaucoup de personnes, surtout dans les bistrots. Les détails avec Mireille Kanyang. Amasaha gutaha na yandaheza nkacangira iki kugira ngo ndaruhe ikintu ndekugwa kandi subire kuja kurondera kagafa. Urugendo runini tuva mu yarasiye saa 12. Ce sont certaines femmes exerçant le commerce ambulant dans différents endroits de la ville de Bujumbura. Cette femme vend des fruits, notamment des mangues. Elle habite au quartier Mirango 1 de la zone urbaine de Kamenge. Elle indique qu'elle quitte la maison à 6h du matin pour aller s'approvisionner au marché Kotebu. Après avoir trouvé les marchandises, elle commence à sillonner les différents endroits stratégiques se trouvant en commune urbaine de Mukaza. Je quitte la maison à 6h du matin pour venir m'approvisionner. Il y a des des fois où l'on finit à 7h, 8h ou à 9h. Tout dépend de la disponibilité de la marchandise. Je fais beaucoup de kilomètres. Imaginez quitter le marché d'Ikotebu et aller au marché chez Sioni et continuer jusqu'au marché de Luvumera et le contourner, se rendre à Buyenzi et au quartier asiatique et jusqu'au lac Tanganyika en circulant avec les marchandises. C'est un long trajet. Donate Hakizimana, elle aussi habite dans la zone de Kamenge au quartier Teza. Elle fait le commerce ambulant des arachides et du manioc. Elle affirme qu'elle quitte la maison à 5 heures du matin pour aller chercher les marchandises. Moi, lorsque je prévois aller m'approvisionner à mes marchandises, je me lève tôt, 4 heures du matin, pour me préparer. À 5 heures du matin, je pars chercher des arachides. Donc, si je rentre avec le bénéfice de 3 000 ou 4 000 francs, vous comprenez bien que je gagne ne fût-ce qu'un kilogramme de farine. Moi et ma famille, nous aurons quoi mettre sous la dent. Il ajoute qu'à part le travail pendant la journée, elle continue son commerce même le soir, où elle doit passer dans des endroits où se rassemblent beaucoup de gens, plus particulièrement dans les bistrots. Des fois, nous rentrons entre 18h et 19h. Que mes marchandises soient écoulées ou pas, je rentre tôt pour ne pas fâcher mon mari afin qu'il me donne la permission pour les prochains jours, puisque je vais continuer à gagner le pain pour ma famille. Ces femmes exerçant le commerce ambulant dans la capitale économique Bujumbura indiquent qu'elles ont préféré ce métier dans le but d'appuyer leur mari à subvenir aux besoins familiaux. Dernière nouvelle, retournons en province, plus exactement à Makamba, où les quartiers du chef-lieu de la province Makamba sont menacés par les eaux de pluie provenant des toitures. Certains habitants craignent que leur maison d'habitation risque d'être endommagée et plaident pour l'aménagement des caniveaux en vue de l'évacuation de ces eaux. L'antenne provinciale de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bura projette agrandir les routes de l'intérieur des quartiers et retracer les caniveaux. Nous devons cette information à notre correspondant Élisée Kouizela. On y reviendra dans nos éditions ultérieures. Point final à cette édition. Merci à vous toutes et à tous et à toutes de l'avoir suivi. À la présentation d'Aurebin Gabilé, Albert Douayo assurait la mise en onde. Excellente suite des programmes sur Isanganilo.